Adieu. Adieu. Tu quittes le village sans lui dire au revoir pour le plus beau voyage où sont tous les espoirs. Les chevaux sur la place sont prêts pour le départ. Rassemble tes bagages. Il est bientôt trop tard. Adieu, tu pars, adieu. Adieu, tu pars, adieu. Un soir dans la vallée, c'était au mois de mai. Qu'elle t'aimait dans son ivresse folle, elle a.